Bonjour, bienvenue sur Objectif Croissance, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs. Aujourd'hui, Bourgogne-Franche-Comté Numérique, le cluster numérique régional qui fédère et anime le réseau des professionnels du numérique, vous propose de découvrir un start-upper et son entreprise. C'est l'occasion d'ailleurs de découvrir comment on innove, comment on ose se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Bonjour François Dugarreau. Bonjour Pascal. Vous êtes de l'entreprise qui s'appelle Fuelit, fuel comme le fuel pour se chauffer ou qu'on met dans sa voiture, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Nous, Fuelit, on est une start-up d'objets connectés et on s'est donné une mission. On veut simplifier l'achat et la distribution de fuel au travers d'une jauge connectée. Ah oui, parce que le fuel, si je comprends bien, le fuel, on a une cuve à la maison, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en manquer. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on a 8% des foyers français, même 12% des foyers français qui se chauffent au fuel actuellement. Mmh. Et la méthode la plus utilisée pour connaître son niveau de fuel, c'est le bâton. Mmh. Donc on arrive avec son bâton, puis on va aller tâter le fond de sa cuve pour vérifier son niveau. Donc en fait, on ne sait jamais quel est son niveau et ça arrive à tout le monde de tomber en panne. Alors, Fuelit, dites-nous un peu où vous en êtes aujourd'hui. L'entreprise existe ou vous êtes encore en mode start-up Alors, on est toujours en mode start-up, mais l'entreprise existe depuis 2016. D'accord. Donc, on est 5 associés et on a recruté 2 employés à temps plein en CDI. D'accord. Et là, vous êtes installé où? À Dijon, je crois? Exactement. On est à Dijon. On est au village Baïséa. On est passé par Nice et Forcité. Nice et Forcité, c'est à Chalon-sur-Saône? Exactement. C'est ça. On a gagné un concours là-bas, en fait. On est aussi passé par un Fab Lab avant ça. Et puis maintenant, on est installé au village Baïséa, qui est un incubateur, un accélérateur au centre de Dijon. D'accord. Alors là, vous m'avez parlé de Fab Lab parce que en fait, vous êtes dans les objets connectés. Donc, il fallait faire un prototype ou un pré-prototype. C'était ça un peu l'idée? Exactement. Donc, nous, on a une jauge en fait, qui va se visser en haut de la cuve. Mmh. Et au début, il a fallu la concevoir. Donc, pendant 2 ans, on a effectivement un peu galéré au début, c'était un peu en mode start-up américaine dans le garage avec très peu d'argent, très peu de fonds, mais on a réussi à s'en sortir et on a conçu notre sonde grâce au Fab Lab en fait. D'accord, donc c'est un tiers lieu où on peut aller justement prototyper, pré-prototyper avec des gens qui peuvent vous aider et mettre un peu la main à la pâte parce qu'il y a à la fois de l'électronique, j'imagine, dans ce que vous proposez. Exactement. Il faut faire l'environnement de l'objet et puis après, il faut le faire communiquer. Exactement, bon, on a l'électronique, on a le casing, donc la partie plastique et tout ce qui va avec, donc la conception 3D pour faire l'objet. Et puis après, on a tout le côté firmware, donc c'est le programme à l'intérieur du capteur, et on a tout le côté software, donc le programme sur votre ordinateur en fait. C'est le site internet sur lequel vous allez consulter vos données. Alors, moi je vais peut-être vous poser une question qui va paraître idiote, mais personne n'y avait pensé avant. Eh ben non, justement. En fait, si, il y en a qui avaient pensé avant, mais c'était pas possible de le faire parce qu'il n'y avait pas la bonne technologie. D'accord. Et en fait, depuis quelques années, ce sont les réseaux très basse fréquence qui sont apparus en France. D'ailleurs, la France est précurseur sur ces réseaux. Mmh. On a LoRa et Sigfox. Mmh. Et en fait, pour faire très simple, c'est Internet sur les ondes radio. D'accord. Donc, ça permet de connecter des objets où on veut. Et ça consomme très peu d'énergie. Mais par contre, ça envoie très peu de données. En fait, pour tous les petits objets, c'est parfait, tel que notre capteur, nous, qui renvoie juste un niveau, en fait. D'accord. Et donc, on n'a pas à changer la pile parce qu'elle dure très longtemps, c'est ça? Et on n'a pas d'abonnement à prendre spécifique pour ce capteur? Alors, il y a quand même un abonnement, effectivement, mais qui est beaucoup plus faible que les abonnements GSM. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu ce genre de capteur arriver chez particuliers parce que ça coûtait encore beaucoup trop cher niveau abonnement. Mais grâce à Sigfox et LoRa, on est sur des abonnements donc beaucoup moins chers. On peut le mettre chez les particuliers. Et effectivement, pour revenir sur la batterie, on a effectivement juste 2 piles et on tient 5 à 10 ans en batterie. Donc, pour le particulier qui installe ça ou même le professionnel, parce que j'imagine que vous avez des agriculteurs qui ont du fuel à mettre dans leur tracteur, dans leur machine, c'est aussi des choses qui les intéressent. Tout à fait, tout à fait. Nous, en fait, on est vraiment sur le marché de la cuve. Mmh. Donc, que ce soit sur le marché du chauffage ou sur le marché des équipements électriques ou sur le marché du stockage avec les agriculteurs. Donc, les agriculteurs, il y en a plus de 400 000 en France, ils ont tous des cuves, que ce soit pour le fuel, que ce soit pour l'eau, le lait. En fait, nous, on a posé des, des jauges connectées chez les agriculteurs pour mesurer leur niveau de fuel. Ils nous ont dit, bah, attendez, moi, votre jauge, j'en veux pas qu'une. Hein. J'en veux une deuxième aussi pour ma cuvelle à côté. Hein. D'accord, oui. Alors comme ça, d'une idée simple sur le fuel, après, vous avez vu des marchés possibles sur d'autres énergies ou d'autres fluides. Voilà, vraiment sur n'importe quel marché. On est vraiment sur le marché de la cuve et on peut l'adapter à n'importe quelle cuve. Et donc, ça sert vraiment effectivement aux agriculteurs et ça sert aussi aux distributeurs de fuel. Si on reste vraiment sur le marché du fuel, qui est notre premier marché, les distributeurs de fuel sont très intéressés parce qu'ils peuvent optimiser leur logistique. Ce qui coûte cher en fait dans le fuel, c'est pas tellement le prix du fuel actuellement, c'est le prix de la livraison, de la logistique à côté. Donc, il y a deux problèmes pour les professionnels. C'est qu'actuellement, ils connaissent pas la charge de travail. Oui, ils ne savent pas quand est-ce que les gens vont commander, alors que là, ils pourraient prévoir et avoir une vision, en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. On vous retrouve tout de suite. Nous sommes sur Objectif Croissance avec François Dugarreau de Fuelit, donc objets connectés qui permettent de connaître son niveau de fuel dans une cuve. Vous parlez de distributeurs, etc. Donc vous, dans votre métier, c'est pas uniquement de fabriquer des objets connectés et les applications, mais c'est aussi trouver des partenariats et étendre tout ça, j'imagine. Tout à fait. Nous, on a conçu l'objet 100% en France, en interne, effectivement. Et maintenant, on regarde les différents marchés. Et les deux gros marchés, c'est effectivement, c'est les distributeurs de fuel, c'est le gros marché, effectivement. Donc l'objet serait plutôt distribué par les distributeurs de fuel plutôt que j'irais l'acheter dans mon magasin de bricolage. C'est aussi possible, effectivement, d'accord. Mais c'est plus facile de les distribuer avec les distributeurs de fuel ou les équipementiers, ou les chauffagistes. Alors, quand on dit objet, parce qu'on n'en est pas uniquement dans le numérique, il y a des objets, vous avez commencé une première série, comment ça s'est passé ? Effectivement, nous, on a commencé une première série en 3D au tout début, donc dans le Fab Lab. Puis on est passé à l'usinage. L'usinage, c'est des barres de plastique qui arrivent. On a des machines, on les fraise et on fait la forme qu'on veut. Et puis maintenant, on passe en série industrielle, donc avec de l'injection plastique. C'est un gros moule en acier dans lequel on met du plastique liquide chaud. Et quand on ouvre le moule, on a la pièce qu'on veut. Et puis, tout ça, donc, c'est fait en France, c'est le point essentiel. On fait tout en Bourgogne-Franche-Comté, donc nos fournisseurs, hein, que ce soit le casing, donc tout ce qui est plastique, ou la carte électronique, on fait tout en France. Ah, c'est bien. Et après, on est aussi ici avec un cluster et autres. Est-ce qu'il y a un environnement, un écosystème intéressant dont vous profitez, ou alors vous êtes obligé de vous débrouiller tout seul pour tout ? Comment ça marche ? Non, on a beaucoup de chance, effectivement, sur l'environnement. On a été effectivement beaucoup aidé par l'environnement local. On a pu rencontrer Mounir Majoubi, effectivement. Le secrétaire d'État, numérique effectivement, grâce à l'environnement de la région. Et un secrétaire d'État, tiens, on va faire un zoom là-dessus. Un secrétaire d'État qui passe à Dijon et que vous rencontrez, ça sert à quelque chose ou juste à faire une belle photo ? Alors, ça sert déjà à faire une belle photo, tout à fait. Mais aussi, il nous aide sur certaines questions telles que le financement. D'accord. On a pu discuter effectivement avec lui. Et nous, il a de vrais conseils parce que lui aussi a créé une start-up dans une autre vie. Et donc, il a vraiment déjà mis les mains dans le cambouis, comme on dit, pour avancer tout ça. Tout à fait. Donc, il connaît effectivement. On a pu en discuter. Et puis nous, c'était une grosse partie aussi de la création d'entreprise, c'est le financement. On a passé beaucoup de temps dessus. Donc, il a pu nous apporter quelques réponses. D'accord. Alors, on va venir sur vous. Qu'est-ce que vous faisiez avant, vous sortez directement de l'école pour faire ça ou comment, dites-nous un peu. Moi, effectivement, je suis sorti d'école, j'étais auto-entrepreneur avant et j'ai rejoint une équipe donc de quatre associés pour former le cinquième associé de l'équipe. D'accord. Et vous, c'est quoi votre spécialité dans l'équipe ? Alors, on est tous ingénieurs dans l'équipe et on a un commercial. Et c'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de la jauge. L'histoire est assez amusante parce qu'il est tombé en panne de fuel. Il possède lui aussi une cuve à fuel chez lui. Et un vendredi soir, il est tombé en panne de fuel. Donc, il a quatre enfants et une femme. Donc, pour le week-end, ne pas avoir de chauffage en plein hiver, c'est pas forcément amusant. Donc, il se fait livrer récupérer le fuel le mardi, forcément, quelques jours après. Et il s'est dit, bah, attends, c'est pas normal qu'en 2015, j'ai pas une notification sur mon téléphone qui me dit, attention, Emmanuel, t'as plus de fuel à être dans ta cuve. Ah oui, donc là, quand on dit souvent des startups ont une idée, mais c'est difficile de raconter l'histoire, là, vous aviez l'histoire avant même de créer le produit, en fait. Ben nous, ben, le produit, en fait, a été créé suite aux besoins d'Emmanuel, qui a rassemblé autour de lui une équipe, effectivement, et il a rassemblé que des ingénieurs autour de lui, dont moi, effectivement. D'accord. Et les autres, ils ont quel profil ? Vous êtes un ingénieur. Alors, ingénieur, c'est vague ? Vous venez de quel environnement ? Moi, je viens de l'EPF, qui est une école d'ingénieurs généralistes, effectivement, avec un Master of Science dans une école de commerce. Et les autres, on a un qui vient de Polytechnique, un qui vient d'une école d'électronique et un qui vient d'une école d'industrialisation. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Alors, on arrive bientôt à la fin. Si on devait tirer une conclusion, aujourd'hui, vous avez une série industrialisée, c'est ça ? C'est ça. On a une série qui tourne. On a plusieurs qui tournent en France. On a beaucoup de demandes à l'étranger. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir voir sur notre site ce qu'on fait. Si vous avez besoin de capteurs, ils fonctionnent, venez en installer chez vous. Envoyez-nous des messages, ça nous fera très plaisir. Donc, c'est Fuelit, FUEL-6IT.io. .io, voilà, pour le site. Et puis, vous allez pouvoir nous retrouver et retrouver le cluster avec l'ensemble des gens qui participent à cette émission et tous les autres, parce qu'on a plein d'entrepreneurs, plein de startups dans cette filière. C'est sur bfcnumérique.fr. Donc là, vous allez nous retrouver. François, si c'était à refaire. Qu'est-ce qu'on ferait ? Eh ben, je pense qu'on ferait pas tout à fait pareil. En fait, on a eu plein de conseils. Maintenant, on irait beaucoup plus vite, je pense, sur certains points, notamment sur le financement. Vous seriez prêt à aider des petits jeunes qui viennent et qui ont une idée ? Vous êtes prêt à les aider, à leur donner des conseils ? Eh ben, tout à fait, ouais. On rentre même dans des réseaux locaux comme Réseau Entreprendre Bourgogne. Donc là, on s'est fait aider, effectivement. Et la première chose qu'on a envie de faire après, c'est d'aider les autres. Merci beaucoup, merci François et à très bientôt.